Chapitre 35. Un mariage à Hanefer. Si de tels contrastes n'étaient pas fréquents dans la vie, peut-être trouveriez-vous étonnant à mes lecteurs que je vous conduise d'une maison de deuil dans un lieu de fête. Le même matin qui voyait mourir Jenny Halliburton, voyait aussi célébrer le mariage de Marianne Cross et de Benjamin Tyrett. Qu'un mariage fût bon ou mauvais, au point de vue pécuniaire, il fallait s'en réjouir bruyamment à Hanefer. Benjamin Tyrett n'était qu'un simple ouvrier, gagnant 18 à 20 francs par semaine, mais Marianne était résolue à l'épouser, en dépit des admonestations maternelles et autres. Les nouveaux mariés allaient entrer en ménage sans avoir fait les moindres préparatifs. Tous les centimes que pouvait économiser Marianne s'en allaient en frivolité. En vain, Charlotte Matisse lui répétait-elle la nécessité d'épargner, d'attendre. Marianne ne voulait rien écouter. « Tout ce que tu peux économiser, mets-le de côté, » insistait Charlotte. « Tu ne sais pas tout ce que tu dépenseras une fois mariée. »« Mais nous sommes deux à gagner de l'argent, » répondait Marianne, « et deux à le manger. Se marier ainsi, c'est courir au-devant des tourments. « Comme tu y vas, Charlotte. Il gagnera de son côté, moi du mien. Où sera le tourment? Je ne dépenserai pas autant pour ma toilette quand je serai mariée. Tu verras que tu auras du chagrin, » persistait Charlotte. « Benjamin devra acheter de quoi meubler au moins une chambre. Et vous n'aurez pas 10 sous à vous deux, et des dettes peut-être. Que feras-tu quand les enfants viendront, Marianne ?» Marianne éclata de rire. « Si jamais j'ai entendu parler comme toi, Charlotte. Si les enfants viennent, eh bien, ils viendront. Nous ne pourrons pas les renvoyer. Non, vous ne pourrez pas. Ils arrivent généralement en assez bon nombre. Il n'y a pas grand-chose pour les recevoir. » Dans notre classe, la moitié des querelles entre mari et femme proviennent des nombreuses familles et du manque de ressources. Il faut bien courir la chance chacune à son tour, Charlotte. Non, Marianne, il vaut mieux attendre. Tu as 19 ans, Benjamin 23. Si vous ne vous mariez que dans 2 ou 3 ans, vous seriez encore bien jeune, et pendant ce temps, vous économiseriez tous les deux. Ainsi, vous auriez au moins quelque chose pour les dépenses extraordinaires et les maladies. Les opinions diffèrent, dit brusquement Marianne. Si l'on dit vrai, tu as si longtemps économisé pour ton mariage qu'il s'en est allé en fumée. J'aime autant m'assurer un mari quand je le puis. Un nuage de tristesse passa sous la figure de Charlotte. Que je me marie ou non, dit-elle avec calme, je n'en serais pas plus malheureuse pour avoir économisé. Le meilleur homme du monde me demanderait en mariage que je ne l'accepterais pas si je n'avais pas plus que vous deux pour vivre. C'est comme cela que la plupart d'entre nous se marient, répliqua Marianne. Aussi, qu'est-ce qui s'ensuit, je te le demande, des coups, quelquefois, l'hôpital souvent, le chagrin toujours. Est-ce vrai que tu fais des économies, Charlotte? Oui, autant que je puis. Mais comment t'y prends-tu donc? Tu t'habilles aussi bien que nous, et nous dépensons tout notre argent en toilette. C'est notre père qui fallait le ménage. Je m'habille même mieux que vous, Marianne. Je ne mets pas une robe de soie un jour, et un vieux jupon troué le lendemain. Je suis toujours propre, et mes habits durent longtemps. C'est la frivolité qui perd votre argent. Je n'ai pas honte de porter 2 ans mon chapeau, et tu en as 2 par saison. De plus, Marianne, je ne perds pas mon temps. Je suis sûr que je gagne plus que vous. Peut-on savoir sans impertinence ce que tu as gagné la semaine passée? 1350. Est-il possible? Je n'ai gagné que 6 francs 45, et je n'ai rien pu donner à Banks. Amélie a eu encore moins, 5 francs et quelques sous. Ce vieux renard m'a dit comme je le payais. « Que me laissez-vous pour votre robe de soie, Marianne Cross? Vous êtes bien en arrière. Je le sais bien que je lui ai fait, mais je ne vous donne rien aujourd'hui. » Et le mauvais drôle a grommelé. « Et je suppose que tu as dépensé tes 6 francs à quelque chose de tout aussi inutile. J'ai dû acheter ce ruban rouge pour mon bonnet. Rouge? Tu aurais dû l'acheter blanc si tu dois te marier. Grand merci, Charlotte. Est-ce que tu t'imagines que j'aurais même me marier avec ce vieux bonnet que j'ai porté tout le printemps, pas que je sache? Et où trouveras-tu l'argent? Tu auras d'autres choses à acheter, bien plus nécessaires. J'en aurai un autre, dussé-je l'avoir à crédit. Benjamin achète la bague. Et il est inutile que tu me prêches plus longtemps, Charlotte. Tu aurais beau t'user la langue, cela n'avancerait à rien. Charlotte, en effet, aurait pu s'user la langue avant d'opérer un changement dans le système d'imprévoyance usité à Hanefer. Le mariage s'accomplit. Madame Cross donna une grande soirée à laquelle les fiancés assistèrent. Il y eut du thé pour les dames, du tabac et de la bière pour les hommes, un souper pour tous et de l'eau de vie à profusion. Madame Creux savait à peine comme il se faisait qu'elle se tira d'affaire depuis longtemps. Il lui fallait déployer des prodiges d'audace et de ruse pour cacher ses embarras à son mari. Le mauvais jour, cependant, ne pouvait être évité.